que tout le monde est Cuba. Il est de Santeria, Guantanamo et Puerto Rico. Mojuba Fungbe, Beni Kutu, Ikuto Gungun, Baba Lao, Yao Icha. Belo Jason, Beje Chanson, Ako Mojuba, Emma Gbagbe, Elson Cubano. Ya ile ife e babalu aye aye aye tabie si ile ketu motu kwa onwa ba nos negowa leur origin Puerto Rico ye lo deme ye bile kowa e chale samsita e la charanga Afrique fro cubano, ritmo original, e la sauce picante, c'est ça la salsa. Ma gbagbe mi o ore mi atata.